Je salue l'Église au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Na salimia kanisa mujina bwana wetu Yesu Kristo. Que le Seigneur bénisse. Bwana Mungu ambariki. J'espère que vous êtes dans la joie. Na tumania kusema muna furaha. C'est ce que David disait. Je l'ai Daudi alianza sema. Je suis dans la joie. Niko katika furaha. Quand on me dit. Wakati wananiambia. Allons dans la maison de l'Éternel. Twende muyumba wa milele. Faut y venir avec joie. Na fai kuya na furaha. Sans plus tarder, je vais vous mettre debout. Mais allez, campato shimama. Baba akuna Mungu kama wewe. Akuna Mungu kama wewe. Baba akuna Mungu kama wewe. Chapitre 13. Depuis le verset 5. Nous lisons au nom du Seigneur. Lot qui Lot. Voyageait avec Abraham. Lot avait aussi des brebis. Des bœufs. Et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. Car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Entre le berger du troupeau d'Abraham et le berger du troupeau de Lot, les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans les pays. Abraham dit à Lot. Ibrahim akamwambia Lot. Kenye point je t'ai pris. Nuna kusi kusikwe kamwe. Des disputes. Makukutano. Entre moi et toi. Katikati ya wewe na mimi. Ni entre mes bergers et tes bergers. Ata katikati ya wachunga kondoo wako na wachunga kondoo yako. Car nous sommes frères. Kwani tuko wanduku. Tous les pays ne tirent pas devant toi. Eti maichi yote shiko mbele yako. Sépare-toi donc de moi. Achana basi na mie. Si tu vas à gauche. Kama wewe unaenda kushoto. J'irai à droite. Mie mitenda kuume. Si tu vas à droite. Kama wewe unaenda kuume. J'irai à gauche. Mie mitenda kushoto. Verset 14. 14. L'Éternel dit à Abraham. Après que l'autre se fit séparer de lui, lève les yeux, dis-lui où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi. Je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Seigneur Dieu, merci. Bwana Mungu, tunasema asante. Merci pour cette opportunité. Asante kwa hii bahati. Bénis ta parole. Bariki neno lako. Bénis moi qui vois parler de ta part. Unibariki mie mitasema kwa pande wako. Bénis mon frère qui interprète. Bariki ndugu yangu na tafsiri. Bénis le berger. Bariki mchungaji. En déplacement. Musafari. Bénis l'ancien qui est resté. Bariki mzee urabaki na mzito wa kanisa, ubaki wa shemashi. Les administrateurs. Wazamini. Chaque frère et chaque sœur. Kila nduku na kila dada. Donne un bon entendement de ta part. Upachie kusikivu mzuri ya neno lako. Commence avec nous. Wanze nasi. Termine avec nous. Na umalize nasi. Au nom de Jésus. Mujina Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ngo bariki neno lake. Veuillez vous asseoir. Musical. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous voulons parler sur un autre petit sujet. La parole de Dieu. Pas l'église. Pas l'évangéliste. Pas la parole de Dieu exige une séparation total. Ici, ce n'est pas l'homme qui exige. C'est la parole qui exige. Votre attention, s'il vous plaît. Quand on parle d'une exigence, ce n'est pas une prière. Ce n'est même pas une demande. Ce n'est même pas une supplication. Quand on parle d'une exigence, c'est une obligation. Il n'a pas fallu mutu otafanye vile. Eh, bangala banasemaka olinga olinga te. Eh, le linga di upende ushipende. C'est une obligation. Utafanya vile. C'est une exigence. I banalazimisha. C'est-à-dire c'est une obligation. Sema inapashwa kwa mtu. Ce n'est pas une demande. Aina kulomba. Ce n'est pas une prière. Aina manakusi. Ce n'est même pas une supplication. Wala humbolezo tofanya. C'est une obligation. Ni lazimisho. C'est-à-dire la parole d'oblige. Neno la Mungu inakulazimisha. Tout celui qui prétend croire la parole de Dieu. Wewe wote unazania tout celui qui se voit croire la parole. C'est cette parole maintenant qui t'oblige. Une séparation totale. Votre attention, s'il vous plaît. Ce n'est pas une séparation symbolique. Non. Ce n'est pas une séparation superficielle. Non. Ce n'est pas une séparation formaliste. Non. Mais une séparation totale. Autrement dit, une séparation complète. Autrement dit, une séparation suffisante. Autrement dit, une séparation nette. Merci frère, tu as bien traduit. Net. Ce n'est pas une séparation symbolique. Tu bien superficielle. Ou bien une séparation formaliste. Ou bien une séparation de la bouche. Aujourd'hui, nous avons un problème. Beaucoup de gens font ce mal et formalisme. Ici, il ne s'agit pas d'une séparation formaliste. Ou bien d'une séparation symbolique. Ou bien d'une séparation superficielle. Ou bien une séparation de la bouche. Mais bien, mais d'une séparation totale, d'une séparation complète, d'une séparation suffisante, d'une séparation nette. Ici, nous venons de lire avec vous notre père Abraham, notre père de la foi, Abraham. Si vous lisez depuis Genèse 12, la Bible parle d'Abraham. Il dit quand Dieu avait appelé Abraham, Abraham et son père et toute leur famille, ils avaient fui Babylone après la destruction de Babylone. Beaucoup de familles, beaucoup de filles, beaucoup de mamans, beaucoup de papas, sont allés se cacher à Chinéa. Et leur père, Abraham, et leur famille, et aussi, ils sont partis s'abriter à Chinéa. Ils ont fui à Babylone. Ils sont allés s'abriter à Chinéa. Là-bas, à Chinéa, il y avait beaucoup de familles, il y avait beaucoup de couples.

sépare-toi donc de moi. Oui, pas si tu choisis d'aller à gauche, moi je vais aller à droite. Si tu choisis d'aller à droite, moi je vais aller à gauche. Choisis pour toi. L'autre a regardé le plein du Jourdain. Il a regardé la beauté de la mondanité. Il s'est choisi pour lui. Il est parti. Alors Abraham, ce jour-là, Abraham s'est séparé de l'autre. Ce jour-là, Abraham s'est séparé Abraham de toutes les doutes. Ce jour-là, Abraham s'est séparé Abraham de toutes les querelles. Quand il s'est séparé de tous les doutes, il s'est séparé de tous les querelles. Dieu est apparu à Abraham. Bien-aimé, si tu ne sais pas, Dieu te bénira. Dieu t'a parlé Abraham. Il dit Abraham. Maintenant que tu es séparé. Abraham, ça, c'est vu. Lève les yeux. La mouche à sa macho. Angaria. Vers le nord. Tazama, vers l'Occident. Le Seigneur dit Abraham. Abraham. Tous les pays que tu vois là. Il yoto, tous les pays que tu vois. Comme tu es maintenant séparé. Sabe, jitenga, sasa. Je te les donnerai ces choses-là. Je te les donnerai. Est-ce que l'Église de Dieu vous êtes et là? Mungu parle. Bien aimé, frères et sœurs. Ici, j'aimerais que l'Église. Ah, pas bien à Kanisa. Parce que c'est très, très, très important. J'aimerais que l'Église comprenne bien la Kanisa chose. Mzuri kitu. Ici, il y a un problème. Ah, pas bien au mambo. C'est pourquoi. Je commande. Si vous lisez même dans Genèse. Kama nasoma ta mwanzo. La Bible dit. Bien sema. Notre Dieu. Mungu wetu. Est créateur. Ni mumbaji. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et tu sais, mamina, notre Dieu est créateur. Frère, il n'y a pas un autre créateur. Satan ne crée pas. Satan pervertit la création. Mais le seul créateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Demain, il n'y a pas un autre sauveur. Un seul sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous les prédicateurs, nous vous montrons le chemin. Mais Jésus-Christ, il est ce chemin-là. Nous vous présentons le salut. Mais le salut, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il n'y a pas un autre sauveur. Il n'y a pas un autre créateur. Bien aimé, Satan ne crée pas. Satan, il pervertit seulement la création. Mais le seul qui crée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, notre Dieu est créateur. Il est créateur. Maintenant, j'aimerais vous lire ça. Oh, comme on introduit notre petit sujet, écoutez. Dans Genèse, chapitre 1. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On ne peut pas créer sans être créateur. C'est-à-dire la Bible nous témoigne ici que notre Dieu est créateur. Ça c'est au commencement. Je viens de vous ramener au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce que l'Église de Dieu, vous êtes là? Maintenant, poursuivons ça. Je suis en train de poursuivre quelque chose là-bas. Verset 2. Notez. La terre était informe et vide. Merci frère, c'était informe. La terre n'avait pas de forme. Et puis elle était vide. Est-ce que nous sommes ensemble? Mes frères, retenez cela. Que la terre était informe. Il n'avait pas de forme. Et puis c'était vide. Et puis, retenez encore. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Ah, pourquoi ma guise face haute? D'abord, kwanza, abikuwa na umbo. Ça n'avait pas de forme. Et puis deuxièmement, c'était vide. Ikuwa wazi. Troisièmement, il y avait les ténèbres partout. Ma guise face haute. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y avait les ténèbres partout. Ma guise face haute. Notez d'abord première chose. La terre n'avait pas de forme. Deuxième chose, elle était vide. Ikuwa wazi. Troisième chose, il y avait les ténèbres partout. Ma guise face haute. Maintenant. La Bible dit, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Première chose, la terre n'avait pas de forme. Deuxième chose, la terre était vide. Troisième chose, il y avait les ténèbres qui couvraient la vie. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Maintenant, regardez, là où il n'y avait rien, là où il y avait le vide, là où il y avait les ténèbres, Dieu a parlé. Il dit quoi? Dieu dit, est-ce que l'Église de Dieu, vous êtes là? Il n'y avait pas de forme. Il y avait des ténèbres. Il y avait le vide. Maintenant, là où il n'y avait pas de ténèbres, là où il y avait les ténèbres, là où il n'y avait rien, là où c'était vide, Dieu dit, est-ce que nous sommes ensemble? Dieu dit, que la lumière soit. Bien-aimé, dans la parole de Dieu, il y a le pouvoir de transformation. Dieu a prononcé une parole. Là où il y avait le vide, il n'y avait pas de ténèbres, il y avait les ténèbres, il n'y avait pas de forme, c'était vide. Mais Dieu a dit que la lumière soit. Bien-aimé, la parole de Dieu, et en elle, il y a la puissance. Les gens nous trompent. Oh frère, onduku, si tu n'as pas ta karishika, nous suivons un peu de karishika, nous attirer un peu de leçon. Regardez, si la parole de Dieu est incapable sur toi, on t'a prêché, tu ne changes pas. Ce n'est pas des films Nollywood qui va te changer. Le film Nollywood ne peut jamais te changer. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la puissance de transformation. Si la parole de Dieu entre en toi, tu n'as pas ta ujeuka. Tu dois te transformer. Comment ujeuka? La parole n'est pas encore pénétrée en toi. Ça, c'est l'évangile du royaume. Ça, c'est la vérité. Dans la parole de Dieu, il y a la puissance. Dieu a prononcé une parole. Il dit que la lumière soit. J'aime beaucoup ce Dieu. Il a prononcé une parole. C'est la parole de Dieu. Et là où il y avait les ténèbres, là où il y avait les vides, là où il n'y avait pas de force, la parole est entrée là-bas. Et la parole de Dieu a appelé la lumière à l'existence. Dans la parole de Dieu, il y a la puissance. La parole est entrée là où il y avait les ténèbres. Et la parole a amené la lumière à l'existence. Dieu dit. Ici j'aime beaucoup frère. Dieu dit que la lumière soit. Et la Bible dit et la lumière fut à cause de la parole de Dieu. Maintenant, verset 4. Écoutez maintenant ce qui est important ici. Dieu vit que la lumière était bonne. Lui-même qui a créé sa lumière, il regarda la lumière. Je parle le roi. C'est pourquoi aujourd'hui, même si je prêche, toi tu ne dis pas amen. Moi je le lis, moi je le sens d'abord. Ça a été bien quoi. A changé quelqu'un. Dieu lui-même, il crée sa lumière. Il vit que la lumière était bonne. Toi-même, si tu ne penses pas à la même, la vérité reste la vérité. La lumière était bonne. Il regarde la lumière. Il dit, la lumière était bonne. Maintenant, il s'est paré. Il a créé la lumière. Mais Shadia, c'est tout. Il n'a pas laissé ça. Maintenant, écoutez. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu l'a avancé. Il dit, la lumière était bonne. La lumière était bonne. La lumière était bonne. Ah, il s'est pas arrêté. Maintenant, pas. Il dit, Anasem. Et Dieu, Namung. Ça c'est au commencement, Unumwans. Ça c'est depuis au commencement, Unumwans. Et Dieu Mung. Sépara la lumière d'avec les ténèbres. Akatenga, nuru, na magiza. Je ne sais pas comment est-ce que je vais appeler ces frères. Nuku. Il a séparé la lumière qu'il a créée. Kabula, il est nous, ça, c'est depuis la Genèse. Il ça, c'est depuis le commencement. Dieu a créé la lumière. Il a regardé la lumière. Il vit que la lumière était bonne. Il a apprécié. Il dit que la lumière est bonne. La lumière est bonne. Nous donc, quand quelqu'un qui dit ça, nous, frère. Il n'y a pas une bonne chose comme la lumière. Quand c'est clair, ça fait lumière. Et lui-même dit, ça, c'est bon. Maintenant, on est d'arrêter par là. Non. Maintenant, Dieu a pris encore le travail. Il a séparé maintenant la lumière qu'il a créée d'avec les ténèbres. Comment je peux appeler ce Dieu? Comment je peux l'appeler? Notre Dieu! Notre Dieu! C'est un Dieu de séparation. Alléluia! Notre Dieu! C'est un Dieu de séparation. Il a créé la lumière. Il a vu que la lumière était bonne. Il a même apprécié. Mais après, il a séparé la lumière avec la ténèbre. Les dieux de séparation. Écoutez, il continue. Vous allez entendre là-bas. Dieu sépara. C'est un dieu de séparation. Écoutez, il dit, et la lumière, il sépara la lumière d'avec la ténèbre. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Il a séparé le jour avec la nuit. Église de Dieu, vous êtes là. Ça, c'est le Dieu de séparation. Ça, c'est depuis la Genèse. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis la Genèse. Depuis le commencement. Frère. Il a commencé à séparer. Alors, on voit tout Nourou. Aïe, tu es tranquille là-bas. Aïe, tu es tout à part. Alors, il a séparé Nourou. Il a quoi séparé? Il a séparé la Bushiku. Il a séparé la nuit et le jour. Ainsi. Il y a eu un soir, mangari, et un matin, subui, c'est fut na le premier jour. Maintenant écoutez, mangari, ça, verset 6, ça, ça, je crois que nous sommes ensemble. Ça, tout pas moi. Dieu dit, qui est inentendu entre les eaux, inentendu, vide moi, katikati ya mai na mai. Qui est inentendu entre les eaux, katikati ya mai. Merci frère. Oui, tu as bien traduit là-bas. Qui est inattendu entre les eaux? Oui. Et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Frère, ici, les dieux de séparation, il a séparé encore les eaux d'avec les eaux. Frère, c'est Dieu-là. Mule Mungu, de séparation. Mungu akutenga. Il a commencé par la lumière avec les ténèbres. Et puis ici, il sépare maintenant les eaux d'avec les eaux. Frère, les dieux de séparation. Ça c'est depuis la Genèse. Il commence à séparer. Est-ce que vous êtes là? Il sépara les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il est maillé de tout maillot, il est ambigu. Il a séparé les eaux d'avec les eaux, frère. Maintenant, continuons. Je cours. Je suis au verset 14. Les autres, vous allez dans la maison. Verset 14, pour gagner en temps. Verset 14. Dieu dit, qui est des luminaires dans l'étendue du ciel. Dans l'étendue du ciel. Pourquoi? Pour séparer les dieux de séparation. Il continue à séparer. Il dit qui est éliminé dans l'étendue du ciel. Pour séparer les jours d'avec la nuit et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années, les mois. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les dieux de séparation, il a séparé les jours avec la semaine. La semaine, avec les mois, avec l'année, nous disons aujourd'hui une année. 2020. Frère, c'est un dieu de séparation. Il a créé les luminaires pour séparer et pour marquer les époques, pour montrer les temps. Comment je peux appeler ce dieu, frère? Notre Dieu, c'est un dieu de séparation. Frère. Maintenant, il continue de dire Dieu fut des grandes luminaires. Pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre et pour présider au jour et à la nuit. Et pourquoi encore? Vous lisez bien, j'espère. Pourquoi encore? Pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Les dieux de séparation, frère. Bien-aimé, ces dieux-là, il a séparé la lumière avec les ténèbres. Il a séparé les jours avec la nuit. Il a séparé la mort avec la vie. Et aujourd'hui, c'est même Dieu. Il n'a jamais changé. Il est le même hier. Aujourd'hui, éternellement, il sépare l'incrédulité avec la foi. Frère, donc, ça c'est depuis la Genèse. Et moi, c'est Dieu de séparation. Comment je peux appeler ces dieux, frère? Aujourd'hui, les gens mélangeaient Dieu avec leur tradition. Les gens mélangeaient Dieu avec leur coutume. Les gens mélangeaient Dieu avec les paganistes. Bien aimé, notre Dieu n'aime pas le mélange. Ça, c'est depuis la Genèse. Ça, c'est depuis le commencement. Notre Dieu n'aime pas le mélange. Tout celui qui vient à Dieu, il doit se séparer. C'est ainsi que Dieu, lui qui est plus grammatical, celui qui connaît bien parler, plus que nous les hommes, il ne s'est jamais trompé. Au moment que Israël était en Égypte, que Dieu les appelle son église, jamais. Quand un frère est encore dans le monde, un mondain, Dieu ne peut pas l'appeler son église. Ça, c'est l'évangile du royaume. Ça, c'est la vérité. Dieu ne s'est jamais trompé. Israël en Égypte, Dieu l'appelait son église. Jamais. Pourquoi? En Égypte, Israël est esclave de Pharaon. En Égypte, Dieu ne s'est jamais trompé. Pour appeler Israël son église, on les appelait peuple de Dieu, mais jamais l'église de Dieu. Parce qu'en Égypte, Israël était esclave de Pharaon. Et aujourd'hui, l'Égypte symbolise le monde. Chaque frère qui est encore en Égypte, il est esclave de Satan. Et un esclave ne peut pas servir Dieu jamais. Même si vous refusez, c'est l'évangile du royaume. Un esclave, jamais, ne peut pas servir Dieu. Hein? Lisons la Bible. Qu'est-ce que Dieu a parlé au sujet d'Israël? Exode. Chapitre 7. Vous êtes là? Ok. J'aime ça. Moutoumoua. Un Égyptien. Frère, les membres ont changé. Aujourd'hui, les choses ont changé. Ma frère. Les frères. Ma soeur. Les soeurs. Bana penda kuchunga njina etu. Mon frère. Ils aiment garder ses mains. Mais ma penda kuchi séparé. Ils n'aiment pas kuchi tenga. Bien joba na katala. Kumi ta frère en Égypte. Kumi ta mubiri en Égypte. Qu'on appelle prédicateur. Mambo kwa bana kuto mubiri. Le problème ici, ce n'est pas qu'on t'appelle prédicateur. Écoutez, Kamou. Israël en Égypte. Israël en Égypte. A tout mi kemou. Qui sert Dieu. Dieu est plus grammatical. Mungouye, y en a déjà oublié. Laissez en Égypte. Construisez-moi une église. Servez-moi. Jamais. Jamais. Au grand jamais. Kamou, Kabisa. Exode. Utoka. Exode. Utoka. Chapitre 7. Utoka. Au verset 16. Qu'est-ce dit la Bible? Bien, c'est mani. Et. Ten. Tu diras à Pharaon. Pharaon. C'est Dieu qui parle à Moïse. Moussa. Et tu diras à Pharaon. L'Éternel. Wamileli. Le Dieu des Hébreux. Mungu wa Ebrania. M'a envoyé auprès de toi. Pour te dire. Laisse aller mon peuple. Acha taifa yangu yende, afin qu'il me serve dans le désert. Votre attention s'il vous plaît. Mwangalia. Dieu, Mungu, pour que Israël le sert, Israël il fallait que ça soit en dehors de l'Égypte. Pas en Égypte. Parce qu'en Égypte, Israël était esclave de Pharaon. Dans le monde, Moudunia, tu es esclave de Satan. Prenons encore autre chose. Exode 9. Exode. Verset 1. L'Éternel dit à Moïse. Wamilele akamwambia Musa. Si ce n'est pas l'église qui appelle à Moïse, ce n'est pas un prédicateur, c'est Dieu. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Est-ce que vous êtes là? Mais sœur, vous êtes là. Dada, ici le Seigneur dit à Moïse, Moïse va parler à Pharaon. Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. En dehors de l'Égypte. Parce qu'en Égypte, Israël était esclave de Pharaon. Ça, ça vient à ton kawapi, frère. D'où vient? Mouton a quoi diacre, mais engare mon Égypte. Non, il devient diacre, mais étant encore un Égyptien diacre. Un Égyptien prédicateur. Ministre, mobile. Il est moi à ton kawapi, Égypte. Lui-même n'a pas encore quitté l'Égypte. Kabana Gwambia, c'est quoi diacre? Parce qu'on te demande de devenir diacre. Attends là. Faut refuser. C'est ma mission à ton kawapi, Égypte. Je suis encore en Égypte. Ningare Égyptien. Je suis encore Moutou, moi, Mistri. Tout le monde. Balabatou comme Égypte. Tous ceux qui n'ont pas encore quitté l'Égypte. Il ne mérite même pas de prêcher. Un Égyptien. Mon ministre. Attends, il va prêcher quoi? Frère. Doukou. Je dis, laissez mon peuple partir. Pour qu'ils aillent me servir. Manayake. Cela veut dire. Même pour chanter à la chorale. Il faut être délivré. Il a fait Usha Kukombolewa. Hein? Pour chanter à la chorale, il faut être délivré. On a pas quoi moyen de combler. Il faut quelqu'un qui est délivré. On a fait mutu la sa combler. Dieu a cumbi à mon bien. Pour bien chanter à Dieu, il faut être délivré. On a fait ou quoi moyen de combler. C'est pourquoi même dans l'église, lorsque un homme n'est pas encore sauvé, lorsque quelqu'un n'est pas encore racheté, lorsqu'il chante, c'est sa bouche qui est en train de chanter. Mais mon Dieu est sauvé. Mais un homme sauvé, vous êtes délivré. Vous êtes délivré. Lorsqu'il chante, naroyaze kunaimba. Même son cœur. Et qu'on a kumunga qui l'a recueilli, où le monde Dieu lui a tiré, la couleur est collée, là où il est aujourd'hui, la bougayou, il va célébrer, tienne, il va danser, parce que, parce que Dieu lui a sauvé. Je na mimo et pourquoi même les cantiques, on appelle les cantiques, pas de sauvé, wa, parce que ce sont des sauvés qui ont droit à chanter. Un homme qui n'est pas délivré. Il va chanter par la bouche. Il va chanter par la bouche. Il va chanter par la bouche. Il va chanter par la bouche. Il va chanter par la bouche. Il va chanter par la bouche. Il n'a pas encore compris. Il n'est pas encore délivré. Un homme délivré. Il n'a pas honte de Jésus. Un homme délivré. Un homme sauvé. Il n'a pas honte des hommes. Qui veut chanter pour son Dieu. Qui veut dire amen. Il ne peut pas regarder au Seigneur. Il ne regarde pas au frère. Et qu'on a honoré mon Dieu qui l'a sauvé. Alléluia. Frère. Pour servir Dieu. Il faut être délivré. Il faut être délivré. Mais pour prêcher, il faut être délivré. On n'a pas ce qu'on combole. Un prédicateur Mubiri. Qui est encore en Égypte, il va prêcher quoi? Ata ubiri binini. On ne donne que ce qu'on a. Si, bana letaka, ni para kilo kuna akyo. Kama una na Yesu. Si tu n'as pas Jésus, Kabula, tu vas Jésus. Partager quoi? Si toi-même la vie, tu ne l'as pas. Kabula, paka ben mais c'est aux autres que tu vas communiquer la vie. Hein? Oui, mon Dieu, roi, Mungu, on en a. Le Saint-Esprit, tu ne l'as pas. Où t'as communiqué pas comme un diable? C'est seulement, tu vas communiquer l'Esprit. On ne donne que ce qu'on a. Où t'as Kabula, ni kile qu'on a qui? Un prédicateur. Mubiri. Qui est encore en Égypte? Un gars comme Miss. Ne mérite pas de prêcher. Ah ouais, c'est à Kubiri, à Staïli. Tu as pas dans Mimbari. Il a fait un onjo à Moussa. Tu as fait rencontrer la bonne femme. Tu as fait être en sa présence. À ce moment-là, quand tu parles, tu ne parles pas de l'histoire. Si je parle de la guérison, même de quoi? De la guérison. Je ne vous parle pas de mythes. Non. Je vous parle des choses que moi-même j'ai expérimenté d'abord. Un homme de Dieu, il doit d'abord expérimenter Dieu. Il doit d'abord expérimenter les choses de Dieu. Il doit d'abord être en présence de Dieu. Il doit d'abord lui-même avoir été en contact avec Dieu. Ça, c'est l'évangile du royaume. Ça, c'est la vérité. frère, Duku, un homme Mutu, qui n'a pas Dieu, Mungu, il va communiquer à Dieu comment? Mungu je vous ai parlé ici de Pierre. Pierre. Il a fait l'expérience à la Pentecôte. Parce qu'il y avait Dieu. Savi la Mungu. Tu peux donner à quelqu'un. Mutu. Pierre. Petru. Savant tout monde. Comme tout le monde. Et qu'on a toka, il quittait. Qu'on a couvi, là où d'où il venait. Parle où le kilema, quand l'estropié. Des années et des jours. Quand là, son bang, travail c'était de mentir. Mais Petru, mais quand Pierre, couya, il venait. Rempli du Saint-Esprit. Après qu'il est dans la Pentecôte. Avec Dieu. Dada, ma soeur. Quand Nyumba, accepter de manquer les maisons. Accepter de manquer les Jésus. Mais ne manquez pas Jésus. Partout où vous marchez, allez avec Jésus. Si vous êtes en voyage, allez avec Jésus. Si vous êtes au champ, marchez avec Jésus. Frère, Pierre, il n'avait pas l'argent, il n'avait pas de maison, il n'avait pas l'or, mais il avait Jésus-Christ. Bien aimé, quand il venait là, les gens s'arrêtaient là, et c'est ce qu'on peut demander. Aidez-moi. Frère, Duku, Pierre en Afrique. Père, il est arrivé. Le qui est monde. Et ce jeune l'a remarqué. Il a dit, Pierre, aide-moi. Pierre lui a regardé. Il lui a fixé en disant, je n'ai pas d'argent. Je n'ai ni l'or. Il a mangé. Mais qui est mais ni que je... Pierre savait qu'il avait Jésus. C'est lui qui a Jésus. Il sait qu'il a Jésus. Même si les gens se moquent de lui, mais dans son cœur, il sait qu'il y a Jésus. Ça c'est l'évangile du royaume. Ça c'est la vérité. Salut ton ami, dis-lui, ne manquez pas Jésus. Ça c'est l'évangile du royaume. Ça c'est la vérité. On a. Regardez. Salut encore ton ami, Ujitengi. Dis-lui, c'est par toi. Frère. Duku. Angaria. Petro. Père. Frère. Donc, quand il est arrivé là, il a dit, je n'ai ni l'or, mais ce que mais qu'il est ni konakyo, je te le donne pour donner à quelqu'un. Il faut avoir. Oui, Pierre en avait. Il dit ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Quand il a prononcé le nom de Jésus, où est-ce qu'il est là? Cet homme s'est levé. Il a marché. Même les gens se sont étonnés. C'était quoi? Parce que Pierre, là où Petru, il avait Jésus en lui. C'est alors qu'il a partagé. Tu vas partager quelque chose que tu n'as pas. Tu n'as rien. Comment est-ce que tu vas partager? Tu vas partager comment? Frère, Duku, Léo. Aujourd'hui, Dieu n'a pas encore changé. Tous les prédicateurs qui sont encore en Égypte, arrêtez de prêcher. Ça, c'est l'évangile du royaume. Tous les prédicateurs égyptiens qui sont encore des montagnes. Il ne peut pas prêcher. Il va prêcher quoi? Donc, quand vous voyez des scandales, quand il se marche un gars qui vous ministre, il peut vous répondre. Anezu kujibu. On a dit ma question 10 fois. Tu te poses 10 fois des questions. C'est lui le diacre. Les diacres, ce sont les qui sont qui parlent comme ça. Mais ses frères ici, il est comme un païen, pur qu'un païen. Toi, tu penses qu'il est un saint, mais il est devenu encore plus pur païen. Il est encore mon ministre. Il a aimé ses mains de devenir diacre dans les villes. Mais quand ça s'est séparé, non. Pour les hommes, écoutez, Dieu n'aime pas être mélangé. qu'on se dise la vérité. Dieu n'aime pas ce qu'il soit mélangé. Tout celui qui vient à Dieu, il doit se séparer avec la mondanité. Ça, c'est l'évangile du royaume. Ça, c'est la vérité. Frère, mélanger Nadia Jacob avec leurs coutumes. Frère, vous aimez mélanger Nadia Dieu avec les fétiches. Vous mélangez Dieu Nadia avec la mondanité. Non, Apana. Jamais. Ça n'ira pas. Habite Ndeka. Dieu n'aime pas les mélanges. Nous parlons tous nos frères. C'est pourquoi nous tous nous avons des message. Frères et des sœurs. Des années après les années de message. Mais ils n'ont pas les c'est parce qu'il va dire séparer totalement. Kabisa kabisa la dunia. Nous avons des frères dans le monde. Il s'est salué avec respect. Quand il s'est séparé. Dieu ne l'utilise pas. Examine-toi. Ce n'est pas le problème de l'année. Et les soeurs écoutent. Ça ne suffit pas de s'habiller en longue jupe. De savoir, tu peux t'habiller décemment. Mounafiki au tabernacle. Même si tu le refuses. C'est l'évangile du royaume. Bien dit là aux femmes. Tu peux t'habiller en longue jupe. Mounafiki au masulami. Tu peux prêcher jusqu'à cracher même les femmes. Ce n'est pas ça le problème. Ou pas comme la pluie, quand la pluie tombe, sur le champ de voleurs, sur le champ de fétichiers, sur le champ de fétichiers, sur le champ de devins, c'est là ne signifie pas que Dieu est sauvé. Mais le grand problème, c'est la nature du sémence. Parce que la pluie ne change pas la sémence. Disons-nous la vérité. Il n'est pas question de parler en langue. Tu peux parler en langue aujourd'hui, demain tu seras perdu. Tu peux parler guérir le malade. Est-ce qu'on a Mambo Munene, le grand problème. Une séparation totale. Kujitenga kabisa kabisa. Tu peux tromper tout le monde. Mais pas Dieu. Mungu auta mulanda. Dieu jamais tu peux le tromper. Mungu. Dieu. Frère. Donc. Angarie. Regardez. Tant que Israël. Wakati ils étaient quoi en Égypte? C'était l'esclave de Pharaon. Tant qu'un frère wakati yote nduku est encore mondain, c'est-à-dire il est encore esclave de Satan. Un esclave na mutumwa ne peut pas servir Dieu. Awezi kumutumikia Mungu. Tu es esclave. Pourquoi tu joues au kidar? Tu es esclave du diable. Pourquoi tu chantes à la chorale? Comment est-ce que tu es retrouvé? Va t'asseoir d'abord là-bas. Que tu sois d'abord sauvé. Regardez. J'avais des coups de la parole. Écoutez. Mais quand quelqu'un tombe dans l'eau, il ne faut pas aller vite, vite aller le retirer dans l'eau. Pourquoi? Il est tombé dans l'eau. Les pêcheurs, ils savent que quand quelqu'un tombe dans l'eau, il ne peut pas se courir tout. Quand il a encore la force, il peut te saisir, vous allez mourir tous deux. C'est que le pêcheur, ils savent que vous lui laissez dans l'eau. Qu'il puisse d'abord prendre de l'eau. Lorsqu'il va se fatiguer, il va se fatiguer. C'est alors quand il sera là, ferme. Il a déjà bu de l'eau. C'est alors que le pêcheur il va nager pour lui tirer. Quand il entre là-bas, lorsqu'on lui tient, il sera pas à l'eau. Quand on lui tirait dans l'eau, on le mettait dans l'eau. Il a déjà pris beaucoup d'eau et il a quitté dans l'eau. Mais il a encore de l'eau en lui. Et toi aussi, tu as quitté le méthodiste, mais le méthodiste est encore en toi. Tu as quitté l'église catholique, mais le catholique est encore en toi. Tu as quitté dans le monde, mais la mondanité est encore en toi. Mais qu'est-ce que le pêcheur fait? On lui met à côté la rive, il va prendre le fou. Il va dire, ah, on veut le tuer. Il va prendre beaucoup de coups. Quand il donne comme ça, il va cracher de l'eau. Quand il tape comme ça, et tu vas voir que le maquillage, quand on donne des coups, quand on donne des coups, il va cracher le ministre. On donne encore des coups, ce sont des perruques rouges qui vont sauter. Nous allons te donner des coups, jusqu'à ce que tu vas cracher toute la mondanité. Quand c'est l'évangile du royaume. Dieu m'a confié mes ministères. C'est le coup que je vous ai amené. Vous voulez le coup? Est-ce que vous n'avez peine? Est-ce que vous aimez le coup? Mettez la main à l'air si vous aimez le coup. Mes ministères m'a confié en parole. Vous avez donné le coup de la parole. Le coup de la parole de Dieu. Ici, il s'agit d'une séparation totale. Ce n'est pas une séparation symbolique, ou bien superficielle, ou bien de formes, ou bien de la bouche. Quand on si vous allez dans le monde d'ici, vous pouvez même le païen qui passe là-bas. Amin Égypte. Vous dites quoi? Amin, c'est quoi, Amin, frère? C'est quoi seulement? Ou quand bientôt tu sépares dans ma jupe et mon foupe. C'est pas toi de Minigi. Ou quand bientôt tu as ma jupe et mon foupe. Enlève. Attaquatala. Et te dira non. C'est ce que nous avons maintenant dans l'église. Les frères. On a prendre ses mains le nom de prédicateur. Mais vous dites séparer. Mais quoi? La mentalité de mon boy à Dunia. Ils ne veulent pas. On a prendre ses mains le nom de prédicateur. Ils aiment prendre ses mains le nom de la forme à l'église. À garder le... Benguine, Dieu qu'on a tiré, en avant la jupe moulin, mais la hypocrisie, pas comme au tabernacle, où tu sépares la hypocrisie, tu dois te séparer dans l'Afrique. Ça, c'est l'évangile du royaume. Si tu es encore mondain, tu ne peux pas te séparer de la vérité. Parce que ton sang tombera sur toi-même. Ne fais pas semblant de devenir frère du tabernacle pour remplir ces malébans. Ça va t'aider à quoi? C'est pourquoi l'église de Dieu en ces derniers temps doit accepter tous les coups possibles de la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Beaucoup parlent. L'église de Dieu doit accepter toutes les corrections de la parole. Est-ce que vous êtes là? Mais bien aimé, vous êtes là? L'église. Carissa, accepter les corrections de la parole. Séparation totale. Ce n'est pas symbolique. Il est superficiel. Voilà quoi, il y a combien de toi? Superficiellement là. Nous sommes déjà séparés. Frère Ngar est cancard. Ndoukou, il est encore et cancard. Frère Ngar, on va franc-maçon. Ndoukou, franc-maçon. Comment on va franc-maçon? Si tu es encore franc-maçon, même si tu donnes, tu attribues le verre ton prédicateur, tu donnes la parole au prédicateur, tu es encore païen, et ça c'est la mondanité. Ni ma confie à parole. Ce sont le coup de la parole. Frère Kankar. Frère Kankar. Frère franc-maçon. Frère franc-maçon. Apa ni séparation totale. Ni goudi tengana kwa lote. Frère, il est là. Frère bien ça. Tu es un bon frère. Frère Chakubarikiwa. Un frère béni. Il est là dans le réunion des cancaristes. Il est dans le franc-maçon. Il est ici, il est chez les défunts. Moi, Madame Mushikiye. Sœur, écoutez. Si tu avais touché le mot petit chez les défunts, tu as protection. Tu t'es protégé. Tu as pris des filles. Tu t'es mis à la hache. Tu marches avec ses histoires pour que tu sois protégé. Amener ses histoires. La protection, c'est protection le de fil, ce n'est pas protection chez les défunts, la protection c'est Jésus-Christ. Vous gardez de fétiche avec Dieu et le message de Dieu. Tu n'as pas honte. Il n'y a jamais eu de père. Il n'y a jamais eu trois pères. C'est son. La peur de souliers comprend deux chaussures. Soit. Ou comme pagan. Tu es païen. Soit. Ou comme Christ. Tu es chrétien. Tu n'as pas tant à parler. On est d'accord. Soit ou comme pagan. Soit tu es chrétien. Soit tu es païen. Tu n'as pas tant à parler. On est ensemble. Badada, tu n'as pas tant. Les sœurs, est-ce qu'on est ensemble? Si tu es encore esclave du diable, Jésus dit, quiconque ou le haut, se livre au péché, est esclave du péché. Jean chapitre 34. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est-à-dire, même ce soir, si tu es dans l'adultère, tu es dans les fraudes, dans les mensonges, dans l'ivrognerie, tu commets les avortements. Tocha ma mimba. Uko esclave wa bongo. Uko mutumwa, tu es esclave du mensonge. Tuambia nini waje? Disons-nous la vérité. Ça m'étonne. Leo inakuwa sa slogan frère. Aujourd'hui, wa samsemo tu. Inakuwa sa slogan. Wa samsemo. Mambo haina kuimba neema. Le problème c'est pas de chanter la grâce. Neema. La grâce. Mana yake. Cela veut dire vivre la parole. Oui, si sauti amu. Ah. Neema, la grâce, manayaki, cela veut dire suivre la parole. Oui, sinon la Mungu. Kupitia maisha kwa kila siku. À travers ta vie quotidienne, tu témoignes si tu es sous la grâce ou sous la malédiction. Tu viens à peine de mentir, à peine de faire de commettre l'adultère, tu me trouves en cours de route. Bonjour frère Kabou. Et enfin, que Dieu te bénisse frère Kabou. Tu m'as maudit ou tu m'as béni? Et ça c'est la bénédiction. C'est lui qui doit bénir les autres. Lui-même d'abord, il doit être sous la bénédiction. Dis-moi, Paul est sans frère Kabou. Tu viens de commettre la guerre et tu te trouves avec un frère. Frère Kabou, bonjour. Bonjour frère Kabou. Que Dieu te bénisse. Frère. Je crois que ça c'est le gars. Oye, c'est bon. Lorsque tu veux ton frère, toi-même, tu dois être conscient que tu es sous la bénédiction et tu es sûr que quand tu as la bénédiction, il aura cette bénédiction. Quand tu bénis les gens, est-ce qu'il aura cette bénédiction? Tu viens de commettre la guerre. Tu viens de voler. Mais tu retends encore dans le temps en cours de route une soeur, ma soeur bien-aimée. Ce n'est pas parler correctement, ni c'est séparer quoi l'autre. Que Dieu vous bénisse. Mungwakubariki. Et ça, c'est la bénédiction. Toute bénédiction n'est pas bénédiction. Ici, c'est là où il y a les problèmes. Ça, ici. Il n'y a que deux chaussures. Soit tu es comme pagan, soit tu es païen, soit tu es comme Christ. Soit tu es chrétien. Frère Branham. Je vais vous lire ça. Frère Branham. Qu'est-ce qu'il dit? Frère Branham. Frère. Donc, quand Dieu vous appelle, c'est Dieu qui vous choisit. Quand il choisit, il appelle. Quand il vous appelle, il doit maintenant vous séparer. Il n'a pas tout ce qui s'accroche à vous. Notez cela. On va partir à partir de Testa dimanche. Maintenant écoutez. Il y a une chose. C'est que l'église de Dieu, ce n'est pas une ONG. Aina OMG, vous êtes en train de faire des chauffeurs. Ah, mutualité de commerçants. Ah, ce n'est pas l'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est un peuple appelé à sortir. Ce que Dieu a appelé à sortir. Dieu les a séparés d'après les autres. Et c'est ce que Dieu a séparé. Il les a rendus différents des autres. Il les a rendus différents des autres. Zambi. Le péché. Nous avons beaucoup de religieux qui disent nous comme les tabernacles. Nous croyons, frère. Nous allons au ciel. Et quand elle a une longue vie, elle s'arrête par là. On nous avait dit hier. Vous êtes à sa présence. Il voit même mon affiki. Regardez. Prenons ça. C'est là où nous allons commencer les dimanches. Il dit ceci. La brèche. Brèche, Kanjir. Entre les âges et les sceaux. 1963. Paragraphe 87. Frère Branham. Branham. Écoutez bien, Église. Eh bien. Mouzuri. Nous disons les péchés. Tunasema Zambi. Nous appelons cela les péchés. Tunaita Zambi. Frère Branham dit. Branham. Mais si nous analysons cela. Kama tunayangalishisha. Tuyangalishie mzuri mzuri. Nous analysons cela. Tuchunguze mzuri mzuri. Analysons. Qu'est-ce que le péché? Zambi, Ninini. C'est le prophète de l'âge. Qu'est-ce que le péché? Zambi, Ninini. Bien des gens disent. Ah, c'est boire. Ni kunya. Quand quelqu'un s'anime. Kama muto alewa. On dit c'est ça le péché. Masema jo Zambi. Les autres. Bengine. C'est commettre l'adultère. Masema ni bucharati. Frère Banam dit. Nous voulons Masema. Non. Apana. Non. Apana. Des fois non. Malambil. Ça. Il est. Ce sont les attributs du péché. Il est. Ni matoke otu ya Zambi. Ah, ni bionyesho. Unaweka mtu kwa mécanicien. Ouais, lorsque quelqu'un est mécanicien. Utamkuta na mafuta kwa mauni. Tu utilises avec le moteur. On dit mécanicien. Ah, c'est un mécanicien. Ni bile bima mafuta. C'est de lui. Tu ne mon lui c'est un mécanicien. Tu témoignes que Njoka. Ça va na wei. Mais na toi aussi. Ça. Njo bionyesho. C'est ça les attributs. Qui monte même si tu es au tabernacle. Atone mbanga kukora. Même si tu chantes à la chorale. Atone ubiria. Si tu prêches. Bile ni bionyesho. Ça, ce sont les attributs. Qui montre tout simplement que tu n'es pas encore croyant. Et ça ne va pas entrer. Arrêtez donc. Il continue. Ça, il est, ce sont les effets du péché. Il est ni matoke autour. Voyez. Voyez. Mais le vrai péché, c'est l'incrédulité. Ni kule kuto kwa mini. Ni kusema. Cela veut dire. Dade kona landa. La sœur elle ment. Et kona futa. Elle filme. Et kona iba. Elle vole. Et kona forme fortement. Elle atosha mamimba. Et kona lala na banaume. Elle couche avec les hommes. Acha nyantisipe kumionesha hivi. Laissez-moi nitangulie mami vous dire. Une jeune fille. Binti. Dans la maison de tes parents. Bazazi yake. Ne peut pas connaître des relations sexuelles avec un homme. Awezi kwenda kulala na mwanaume. Si tu le fais. Kama kunafanya. Si comme la suite. Ni kusema ni buchafu. Un jeune homme. Kiana. Dans la maison de tes parents. Munyumba bazazi. Ne peut pas connaître des relations sexuelles. Awezi kupatana na mwanamke. Si tu le fais. Kama unafanya. Si comme la suite. Ni buchafu. Une femme mariée. Bibi wa ndoa. Ne peut pas coucher avec un autre homme. En dehors de son mari. Si tu le fais, tu commets l'adultère. Regarde ton mari. Un homme marié. Ne peut pas coucher avec une autre femme. En dehors de sa femme. Si tu le fais, tu commets l'adultère. Regarde ta femme. C'est ça le message du temps de la fin. Mais. Lakini. Le vrai péché, Zambia, c'est l'incrédulité, ainsi qu'on les désigne, ainsi qu'on les nomme. Maintenant, il dit, non, si vous êtes un croyant, kumaminifu, si vous êtes vraiment un croyant, kama kumaminifu kweli, vous ne faites pas ces choses, ibitu, auta iba, tu ne peux pas voler, auta charatika, tu ne peux pas insulter. Hein? C'est pas tu encore la païen. Différence est à quoi? Et la différence avec toi, toi tu es païen de tabernacle. Mais l'autre c'est un païen mondain. La différence est à toi, tu es de l'église et ils sont du monde. Mais toi tu es païen de l'église. Si vous êtes un croyant, vous ne faites pas ces choses. Peu importe combien vous essayez de vous rendre saint. Et marche avec douceur. Tu es en train d'imiter pour qu'on voit que tu es saint ou sainte. Et quand tu salues le frère, c'est avec beaucoup de respect. Mais tu es rempli de la haine. Bongo morotel. Tu es rempli de mensonges. La médisance. Ça va vous aider en quoi? Je vous dis, séparer la bile. Tu dois te séparer d'abord de toutes ces choses. Peu importe combien vous essayez de vous rendre saint. Ils ont vu un tartare du fort comme tartare. Ils prennent l'église tabernacle comme une couverture pour couvrir leur péché, pour couvrir leur mal. Je vais encore parler et reparler. Tous les frères qui sont dans les sciences occultes sont des païens dans l'église. Chaque fois que tu tabernacle, Quand il y a un chant, vous êtes un incroyant. Ukotu mupagano. Tu es dans 1 Jean 3. Frère Somaïl. 1 Jean 3. Soma Bashiki. 1 Jean 3, 8. Juki la muntu ashiki. Oh, frère Kabou. Bon, je repends à tout Sema. Oh, tu vas pagano. Mungu Dieu anasema. C'est Dieu qui parle là. Oh, frère Kabou. Je repends à tout Sema. Shiki akule. Tu voulais Sema parler. 1 Jean 3, 8. Ansema ni. Soma frère. Oh. Ten. 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Pourquoi? Car le diable a péché dès le commencement. Dieu m'a pour ce soir, bon, mon gars, que Dieu vous bénisse.